international pour toutes les personnes immigrantes et d'origine québécoise au centre multiservice Le Complice de Charlebourg. Le café Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, 177 71e rue Est à Charlebourg, 418 841 1042. Lecœuralire.com. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg. Eh bien bonjour, bienvenue à l'émission Grain de sable, c'est Jean Cloutier à l'animation. Et on a un programme vraiment intéressant pour vous, un programme qui inclut une capsule, ça c'est une nouveauté, une capsule avec notre chroniqueur Étienne Blondeau qui est un peu la suite de ce qu'on avait commencé la semaine dernière au sujet des dettes du tiers-monde, l'accumulation des dettes au tiers-monde. Alors, on va compléter avec une capsule de plus de 10 minutes avec Étienne Blondeau, dès après vous avoir parlé de notre bulletin, le bulletin d'Attaque Québec, qui est tout chaud, et prêt à être lu sur le site web d'Attaque Québec si vous y allez. Et c'est un bulletin qui se consacre à vraiment, en fait, qui est une suite de celui de décembre qui portait sur la décroissance. Donc, dans celui-ci, on explore deux secteurs importants, syndicats et agriculture, en lien avec la décroissance. En fait, comme le dit bien Monique Jamard, qui nous a mis en contact avec une des auteurs, une agronome de grande réputation, Claire Bolduc. Donc, restez avec nous en deuxième partie d'émission. On aura une interview en direct avec Claire Bolduc sur son texte qui a trait à l'agriculture, hein, comme ancienne présidente de l'Ordre des agronomes du Québec et elle-même productrice agricole, en français agroalimentaire. À l'heure actuelle, elle, avec son conjoint, gère un vignoble. Donc, on en reparlera avec elle en deuxième partie d'émission. Mais toujours est-il que Monique Jamard a réuni une équipe vraiment intéressante pour faire ce lien entre syndicats et agriculture avec la décroissance. Donc, sortir de notre système productiviste qui prend l'eau de toutes parts, est-ce possible? Vous aurez les réponses dans ce bulletin du mois de mars. Ce bulletin explore donc ces deux secteurs qui sont au cœur de notre système économique, l'agriculture et le travail. Dans un premier article, Claire Bolduc répond à la question « Serait-il possible de nourrir le Québec, la planète, sans l'agriculture industrielle actuelle? » Ben, je vous lirai pas un extrait de son texte. On va attendre. On va lui poser la question dans moins d'une demi-heure à Claire Bolduc. La réponse, de toute façon, est sans équivoque. Penser l'agriculture autrement ne relève pas de l'utopie, mais d'un choix parmi des modèles qui existent déjà et qui montrent que c'est possible. Ah, on lui posera la question comment elle en arrive à cette pensée. Pour Marc-Édouard Joubert, un autre auteur du bulletin d'Attaque qui vient tout juste de sortir, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre l'objectif des syndicats, qui est de protéger les emplois, et la décroissance, si on considère la préservation des emplois autrement que sous l'aspect strictement quantitatif du nombre d'emplois. D'ailleurs, à cet effet, je vous invite à mettre tout de suite à votre agenda l'écoute de l'émission « Grain de sable » au moment du Salon du Livre. Autrement dit, je ne sais pas si vous savez, le Salon du Livre, cette année, se fait, une semaine avant Pâques, dans la fin de semaine du 6, 7, 8 et 9 avril. Mettez à votre agenda, c'est le Salon international du Livre de Québec. Hervé Kempf n'y sera pas, mais son dernier ouvrage y sera, aux éditions du Seuil. Et nous, on a eu, il y a une semaine, un long entretien avec Hervé Kempf lui-même en deux parties, soit comme on pourrait dire refondateur de Reporter.net, qui est un grand journal qui suit les activités, l'actualité environnementale, mais qui est maintenant un site web depuis que RVKM s'en est occupé. Il a monté une belle équipe et moi, je vous invite à aller voir reporter.net, un site vraiment de base, de référence pour tout ce qui a trait l'environnement, la biotechnologie. Vraiment très intéressant. Il y a même des extraits audio qu'on vous fait jouer des fois ici. Donc, on parle avec Hervé Kem de ça, mais on a un long entretien avec lui sur son dernier livre aux éditions du Seuil, qui a trait à ses empires, à ses déclins d'empires qu'on peut associer évidemment aux Américains. De toute évidence, ça sera... une émission spéciale entrée avec le Salon du Livre. Moi, je serai en Europe à ce moment-là, mais je vais animer à partir de là-bas et on présentera ces entretiens avec Hervé Kempf que je vous suggère. Et dans cet entretien-là, avec Hervé Kempf, je lui pose la question sur la présidentielle française, et puis semble-t-il qu'il est surpris de voir que ces grands partis de gauche, Front de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon, ont inclus, outre la protection de l'emploi, ces partis très proches des grands syndicats français, ont inclus dans cette campagne présidentielle le côté écologique, les enjeux écologiques, alors qu'avant, ces partis de gauche se concentraient seulement sur les souhaits des ouvriers, donc de créer des emplois dans ce monde du productivisme. Mais on sent une tendance où ces grands partis d'ouvriers, de syndicalistes, incluent la cause environnementale, donc acceptent qu'il y ait peut-être une réduction d'emplois dans certains domaines, pour se concentrer sur l'avenir des humains qui vivent sur cette planète et, en fait, aussi regarder, peut-être moins intéressant du côté des technologies vertes, mais de voir comment on peut créer de l'emploi en lien avec l'environnement. Donc, un texte à lire pour Marc-Édouard Joubert, l'aspect strictement quantitatif du nombre d'emplois. C'est intéressant, on abordera ça éventuellement dans d'autres émissions de Grain de Sable. Il y a aussi Benjamin Aubin qui questionne l'effet des politiques du gouvernement libéral sur les droits sociaux, lesquels obligent les gouvernements à fournir des services accessibles et de qualité. Donc, son analyse montre, une fois encore, comment le désengagement du gouvernement, particulièrement en ce qui concerne l'éducation, porte une atteinte grave à ses droits souvent oubliés. Donc, un texte de Benjamin Aubin, dans ce bulletin, qui aurait, ce qu'on va dire, comme thème général, changer le monde à quelles conditions? Le bulletin s'enrichit d'une nouvelle collaboratrice qui présentera dans chaque publication un livre récent. Elle rencontre dans ce bulletin de mars de la question que pose un avocat environnementaliste canadien, David Boyd. Peut-on être optimiste face aux gains environnementaux? Pouvons-nous vraiment, dans ce domaine, faire le pari de l'optimisme? Donc, ne manquez pas ce bulletin qu'on peut aller chercher, évidemment, sur le site web attaquequebec.org. J'ai enfin trouvé la revue à bas bord. Je l'ai acheté fièrement, $10.95 plus taxes. Ça vaut le coup. C'est le numéro 68 de cette revue sociale et politique sur les prisons à l'ombre des regards. Vraiment des textes intéressants. On y retrouve effectivement le texte de Claude Vaillancourt sur Justin Trudeau, Derrière le masque. Très intéressant. On a, la semaine dernière, fait une longue interview avec Claude Vaillancourt qui signe ce texte sur Justin Trudeau, Derrière le masque. Et moi, en fait, quand on l'a, très belle facture, cette revue à bas bord, allez voir dans des kiosques, des belles couleurs. Là. Et puis, une des plus belles photos que j'ai jamais vues de Françoise David aussi. Merci pour tout. On remercie Françoise David, le collectif de rédaction. Il va d'une grande diatribe pour remercier le travail de Françoise David. Peut-être qu'éventuellement, on parlera de GND, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait la une cette semaine. On en parlera. On essaie peut-être de l'avoir à notre émission pour lui poser les questions et peut-être aller chercher quelques grains de sable avec lui. Moi, j'aime bien l'article aussi de Valérie Beauchamp, une travailleuse communautaire. Le communautaire contre-attaque après la grève de l'automne dernier à travers tout le Québec 2017. Et d'ailleurs, je salue les Aminataires de Québec qui ont participé à ces grèves communautaires et qui ont fait quelques manifestations devant certains édifices gouvernementaux qui accueillent le siège social des ministères qui financent les groupes sociaux et les travailleurs communautaires. Donc, après la grève de l'automne dernier à travers tout le Québec, 2017 sera encore une année de mobilisation pour les organismes d'action communautaire autonome avec plusieurs actions qui se tiennent au mois de février. Donc, on salue toutes ces activités qui ont eu lieu. Je sais qu'il y a eu des occupations de certains édifices qui ont fait beaucoup parler. Alors, engagez-vous pour le communautaire, disent-ils. J'aime bien aussi le texte de Léa Fontaine, une figure féministe incontournable. Léa Robach et la maison Parents Robach. Donc, si vous ne connaissez pas, il faut lire ce texte où on fait référence aux grèves des Midinettes, rue Sainte-Catherine à Montréal, en 1937. Donc, de longs combats. Et un des textes que j'aime beaucoup, qui fait un lien justement avec une autre invitée qu'on avait la semaine dernière, Maxence Joseph, du groupe La Patente, qui offre des outils. Depuis jeudi dernier, je suis allé au lancement. C'est vraiment intéressant. Tous les outils y sont. Et vous pouvez avoir un abonnement gratuit si vous amenez vous-même des outils. Mais amenez pas un tournevis et un marteau, comme Maxence me disait. Si vous amenez des outils qui ont une certaine valeur, qui peuvent être passés à d'autres, comme une bibliothèque, mais c'est une outil-tech, on pourrait dire. Très intéressant. Et ce que vous pouvez visiter aussi en allant sur place, la rue des Sables, tout près de CKRL ici, là, le long de la rivière, vous pouvez visiter des ateliers, des techniques et voir les cours qui se donnent, comment faire une boîte de carton, comment monter une table vous-même, comment utiliser des palettes de bois pour faire des meubles ou des choses. Donc, il y a des formations qui sont données par des ébénistes, par des menuisiers sur place expérimentés qui peuvent non seulement vous aider à vous pratiquer, à utiliser les outils que vous avez toujours voulu avoir dans votre sous-sol ou dans votre atelier, eh bien là, pas besoin de les acheter, vous allez les emprunter en étant membre. Et donc, dans la revue Ababar, il y a un article sur la remise qui est un peu le père ou la mère fondatrice de notre patente ici. La remise est, comme on le titre si bien, sous la plume de Myriam Boivin-Comtois, « Plus qu'une bibliothèque d'outils ». On y parle des principes de la remise qui sont simples. Plutôt que d'acheter vous-même différents outils ou du matériel spécialisé, la coopérative propose à ses membres de payer 60$ annuellement et d'avoir ainsi accès à un catalogue de 1300 articles. Je ne crois pas qu'il y en ait autant ici à la patente, mais le principe est là. Et grâce à votre bonne coopération, vous pourrez peut-être faire augmenter de quelques dizaines d'outils très utiles à emprunter. Donc, vous pouvez facilement trouver la patente sur la rue des Sables. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, petit grain de sable, c'est que juste en face, il y a un vrai magasin qui, lui, vend des outils ou qui en loue à fort prix. Donc, pour 60$ par année, vous pouvez avoir la patente. Ah, quelle belle activité! Restez avec nous. Passe un entretien, une capsule sur les dettes dans le tiers-monde, signée par notre chroniqueur Étienne Blondeau. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, green, green washing. galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des balais mais du ton. On veut du green, green, green, green, green, green, green. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. Green, green, green, green, green, green, washing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, green, green, washing. Sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut du green. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. On veut des balais méditons. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. C'est les as. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. Je vais poursuivre sur le sujet de la semaine passée, l'annulation des dettes du tiers-monde. Pourquoi je voulais parler de ça, c'est parce que on a poursuivi, je dirais, beaucoup d'outils, beaucoup de solutions pour essayer d'améliorer la condition économique des pays du tiers-monde, mais à peu près à chaque fois, les résultats se sont pas manifestés. Je pense par exemple au devoir de protéger, hein, où les pays les plus forts abattent des régimes qu'ils considèrent comme totalement mauvais pour libérer des populations soi-disant tyrannisées. Généralement, on n'a pas aidé les populations par nos interventions militaires, on a empiré les choses, et c'était franchement des beaux discours, ou est-ce qu'il y avait plutôt des luttes de pouvoir qui se cachaient derrière. C'est vraiment, je dirais, la pire de ces solutions-là. Il y a aussi une solution qui se manifeste souvent, c'est l'aide liée. L'aide liée, c'est-à-dire qui est accompagnée d'exigences pour l'économie qu'on aide. On leur offre des subventions, des aides humanitaires en argent, mais ces montants-là doivent être utilisés pour acheter des produits du pays donateur. C'est une aide qui, finalement, est faite pour aider le commerce d'ici, avant tout. Alors, on peut difficilement appeler ça une aide, là. Une aide est sincère. Et j'ajouterais que les dons en argent, ou encore pire, les prêts, ou pire encore, là, les prêts accompagnés d'exigences de réformes économiques, vraiment, sont pas très intéressants non plus pour les pays les plus endettés ou les plus pauvres économiquement, parce que des montants d'argent, ce que ça fait, c'est que ça rend ces pays-là dépendants des capitaux étrangers. Pour tous leurs investissements, tous leurs programmes publics sont obligés de trouver des investissements étrangers. Et ça, ça favorise pas l'épargne sur place, ça favorise les banques, je dirais le système financier international, les grandes banques, ça aide pas les gens sur place parce qu'ils sont à la merci de leurs donateurs. Ces donateurs-là peuvent avoir des changements d'humeur, peuvent se retirer, peuvent cesser de donner de l'argent, alors que lorsqu'on parle de grands projets d'infrastructure, de grands programmes publics, ce qu'il faut, c'est un investissement qui se poursuit dans le temps. Alors que si tout dépend de la bonne volonté d'étrangers, cet argent-là peut repartir soudainement comme il est venu. Alors, on n'aide pas à stabiliser et à faire grossir les économies les plus pauvres. Et pour ce qui est de l'envoi de ressources matérielles, je dirais que c'est à peu près la même chose. On place encore une fois le pays pauvre dans une position de dépendance. Moi, je préférais rêver pour les régions les plus pauvres du monde d'une industrialisation, peut-être dans le style de certains pays d'Asie. Et si on pense aussi au tourisme humanitaire, c'est pas spécialement intéressant. Je pense que c'est surtout une expérience à faire vivre à quelques jeunes qui viennent des pays occidentaux. Ça aide pas tellement la population locale que de faire quelques écoles ou hôpitaux ou chambres en lin. Ces programmes-là, peut-être, peuvent priver les travailleurs locaux de contrats, vraiment vitaux. Et je pense que je vais mentionner, pour terminer cette partie-ci, l'immigration ou l'afflux, par exemple, de migrants en Europe. Là. Je vais pas me prononcer pour et contre l'immigration pris comme un concept large. Mais ce que je veux préciser, c'est que c'est pas une solution pour la pauvreté dans certaines régions du monde, simplement parce que c'est pas une solution qui essaie d'identifier les problèmes et de régler les problèmes économiques à leur source. Migration, pas une solution, surtout lorsqu'on pense à ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, hein, les personnes les plus éduquées qui participent pas à la reconstruction de leur pays ou à son développement. Alors, quand toutes ces choses-là ont été tentées depuis des décennies, on se demande pourquoi on se montre un peu fou, comme dans la folie que Einstein définissait, hein, faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à des résultats différents. Alors, faut essayer quelque chose de nouveau. Comment aider les pays pauvres sans leur nuire? Moi, je dis, c'est en annulant leurs dettes. Parce que c'est très simple. Les pays les plus pauvres, je dirais, qui ont besoin surtout d'une bonne preuve de notre bonne volonté. Et je crois que ça commence bien si on efface les dettes souveraines que ces pays-là ont à notre endroit. Faut se décider. On peut pas à la fois vouloir tendre la main aux régions du monde qui connaissent des difficultés. On peut pas à la fois vouloir leur tendre la main et vouloir se servir au passage et faire de l'argent sur le dos des gens les plus pauvres de la planète. Je crois qu'il faut d'abord partir sur une base solide, là, effacer l'ardoise, effacer leurs dettes à notre endroit. Et de ce moment-là, on leur laisse toute la latitude dont ils ont besoin pour reconstruire leurs économies comme ils l'entendent, en élisant leur propre gouvernement qui choisiront leur modèle économique, leurs solutions, leurs idées, leurs projets. On leur laisse le champ libre et ça donne des politiciens qui sont pas comme les politiciens précédents, peu importe le parti qui est élu. Généralement, dans les pays les plus pauvres, ils se retrouvent à avoir la dette du pays. C'est comme une épée de Damoclès. Peu importe ce qu'ils choisissent, ils peuvent pas le concrétiser, le réaliser, si à chaque année, une grande portion de leur budget annuel est simplement aspirée par le service de la dette. Alors, pour leur donner un peu la chance de respirer, je dis que c'est important d'effacer les dettes. Je pense qu'un des plus graves exemples de la dette, c'est le cas d'Haïti. Haïti, c'est comme, j'ai presque envie de dire, une expérience, un cas d'école du néocolonialisme. Parce qu'on se retrouve avec Haïti au 19e siècle, qui fait sa révolution. C'est la première fois dans l'histoire où il y a une révolution d'esclaves qui réussit. Et dans leur cas, ça a mis à dos tous les pays riches du monde, que des esclaves réussissent à reprendre leur liberté et à s'organiser politiquement. Alors, pour essayer de réintégrer la communauté internationale, si je peux tenter le mot, en 1825, c'est le gouvernement haïtien qui a décidé de payer une indemnité à l'ancien colonisateur, la France, pour rétablir avec elle, avec la France, des relations économiques et diplomatiques. Alors, c'était une preuve de bonne volonté de leur part. Le problème, c'était que c'était un nouvel État jeune, Haïti, mais qui s'est retrouvé avec ce devoir-là de payer un grand montant à la France, 150 millions de francs or, ce qui équivaut à 21 milliards aujourd'hui. Ils ont promis ce paiement-là en 1825, et ça a pris énormément de temps pour leur repayer. Ça a pris en fait jusqu'à 1947 pour que Haïti ait fini de payer tous les intérêts associés à cette promesse de paiement-là. Ça a pris au-dessus de 100 ans, et ça exclut les autres dettes que Haïti a pu contracter avec des pays riches pour ses investissements. Alors, on a du mal à s'imaginer à quel point les politiciens de pays comme Haïti se retrouvent avec les mains liées à des engagements passés, simplement pour rapporter de l'argent à des pays déjà extrêmement riches et profiteurs. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que ça donne l'annulation des dettes? Moi, j'ai regardé quelques exemples sur le site d'un organisme qui s'appelle One. Il y a un bel exemple en 96, les pays riches ont essayé d'effacer les dettes de plusieurs pays pauvres avec le Highly In-Debt Poor Country Initiative, le Multilateral Debt Relief Initiative. 36 pays de l'Afrique subsaharienne ont été choisis. Il y a 3 pays surtout qui ont eu des programmes intéressants. L'Érythrée, la Somalie, le Soudan ont reçu par ces mécanismes-là l'annulation de leurs dettes. Là. Si on prend tous les pays ensemble, ça fait près de 100 milliards de dollars qui ont été annulés. Et qu'est-ce que ça donnait? Ben, la plupart de ces pays-là ont utilisé cette opportunité-là pour abolir les frais de scolarité. Évidemment important pour faire progresser l'économie. Par exemple, la Tanzanie a effacé les frais de scolarité en 2002. Le Mozambique a utilisé cette annulation de prêts-là pour vacciner les enfants contre le tétanos, pour installer de l'électricité dans les écoles aussi, construire de nouvelles écoles. Le Cameroun a utilisé cette annulation-là de dettes pour pouvoir mobiliser de l'argent et lancer un programme national de combat contre le sida. Un plan pour l'éducation. Vraiment, ça permet à l'argent d'être redirigé vers le domaine de la santé et de l'éducation surtout. Et l'idée circule pas assez à mon goût personnellement, mais il y a beaucoup d'organismes très intéressants qui militent pour l'annulation des dettes des pays les plus pauvres. On a par exemple le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qui a été créé en 90, basé en Belgique. Il opère sur 4 continents. Leur but, c'est qu'on abolisse immédiatement et sans condition la dette publique des pays du tiers-monde. Et qu'on abandonne aussi, ce qui est peut-être encore pire, les politiques d'ajustement structurel. Des organismes comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international obligent les pays à adopter l'austérité, qu'on a commencé à connaître au Québec, pour avoir le droit de recevoir de l'argent, des investissements de la part du système financier international. Et le but de l'abolition des dettes des pays, c'est aussi dans le cadre d'une dénonciation des autres problèmes économiques de ces pays-là. Les paysans très endettés, les femmes trop endettées par le microcrédit, les étudiants criblés de dettes, les familles expulsées de leur logement par les banques, ça essaie de traiter du problème des dettes privées aussi. Vraiment, les réseaux ATTAC ont aussi participé à cet appel-là à l'annulation de la dette. C'était une partie très importante de leur programme. Par exemple, dans l'appel de Bangkok en 2000, il y avait un dialogue entre beaucoup d'organismes, les premières formations ATTAC, les mouvements Jubilé 2000 au Royaume-Uni, les mouvements Jubilé Sud, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes dont je parlais, campagne espagnole aussi. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait beaucoup de ces groupes-là qui utilisent le terme « jubilé » dans leur nom, parce que le jubilé, c'est une référence à cette idée-là qu'on retrouve dans la Bible, que de la même manière que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde, eh bien, à tous les 7 ans, les États devraient effacer les dettes des gens, les dettes des individus. Un concept vraiment intéressant, qu'on devrait ramener à la mode. Surtout quand on considère que si quelqu'un est encore incapable de payer une dette après 7 ans, je crois qu'il arrivera jamais et qu'il est temps de l'effacer. Et l'idée même de l'annulation des dettes du tiers-monde a pris une telle ampleur que le Fonds monétaire international a été forcé de répondre et lui insistait sur le fait que ça réglerait pas tous les problèmes de ces pays-là instantanément. Mais on a le goût de leur répondre que c'est simplement une première étape. Ça permet à leurs dirigeants d'avoir les mains libres pour rebâtir ou bâtir leurs économies. Ça leur donne le temps de souffler, alors qu'ils sont contraints par leurs dettes. si on ne les efface pas. Et en plus, le Fonds monétaire international a tendance à dire que ces pays-là ont besoin d'investissements ou besoin de pouvoir avoir des prêts aussi. Là, je crois que c'est surtout eux qui ont une mission très ambiguë, hein. Ils essaient de se faire passer pour un organisme qui aide les pays. Mais en fait, c'est surtout, j'ai presque envie de dire, le bras armé d'investisseurs, hein. Leur intérêt, c'est faire de l'argent. C'est faire de l'argent sur le dos des économies les plus pauvres, en leur prêtant de l'argent et en voulant extraire une rente, extraire de l'argent de ces pays-là. Et c'est sûr que faire de l'argent sur le dos des pays les plus pauvres, on peut difficilement trouver une action plus dégueulasse que celle-là. Et au mieux, le Fonds monétaire international, on peut leur reprocher de ménager la chèvre et le chou. Ils sont plus du côté de la chèvre, à mon avis. Alors vraiment, au final, il faut toujours se décider. Faut prendre la décision entre est-ce qu'on veut aider les pays du tiers-monde ou faire de l'argent sur leur dos. On peut pas faire les deux en même temps. On peut être peut-être aussi schizophrène que les gens du Fonds monétaire international. On peut pas se permettre que la situation continue. Moi, j'ai grandi avec la radio. La radio a accompagné mon enfance. Avec mon père, je signalais les routes. Et pour moi, la radio, c'est le lieu du débat, de la confrontation des idées, de la discussion. Et on est obligé de porter attention à ce qui se dit, alors qu'à la télévision, parfois, on est distrait par l'image. La radio, c'est vraiment mon média préféré. Je suis Éric Bédard, historien. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. CKRL, première station radiophonique communautaire de la francophonie. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. 3E, événements, expériences, émotions. Chambre blanche, jeunes musiciens du monde, Spira, La Croisée. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Oui, bonjour, bienvenue à Grain de Sable, Claire Bolduc. Bonjour. Bonjour, merci de prendre un peu de votre temps de samedi pour être avec nous. Je vais d'abord vous présenter parce que ma conjointe qui est agronome me dit « Hey, c'est quelqu'un d'important, ça! » Oui, votre conjointe, je connais pas mal toutes les agronomes. Ah, mais c'est Sandrine Cédoux qui travaille chez Alixir à la reconnaissance des éco-certifications là-bas, qui travaille sur des projets de toilettes sèches à compost avec sa patronne Lucie Mingui. Et Sandrine me rappelait, il me semble qu'elle a été présidente de l'Ordre des agronomes du Québec. Et là, évidemment, j'ai vu que de 1999 à 2005, vous avez présidé l'Ordre des agronomes, présidente de Solidarité rurale du Québec de 2008 à 2016. Vous cumulez un parcours professionnel diversifié et plus d'une trentaine d'années d'implication citoyenne dans les domaines agricoles, rurales, environnementales, éducatifs et du terroir. Vous avez joint le collectif Faut qu'on se parle, c'est intéressant ça. Oui, c'est une merveilleuse aventure. Oui, afin d'engager un dialogue politique non partisan, et ça on verra, peut-être qu'un jour vous ferez de la politique, on ne sait pas. Mais avec des citoyens, donc des citoyennes, vous avez probablement eu à rencontrer des gens dans le cadre d'assemblées de cuisine, j'imagine. Vous exploitez depuis 1995 avec votre conjoint un vignoble à Ville-Marie au Témiscamingue. Et moi, je veux mentionner ici que vous êtes vraiment successeur de Jacques Proulx, en fait, à Solidarité rurale, qui était le fondateur. Sous votre impulsion, Solidarité rurale du Québec a entrepris une réflexion globale sur l'avenir des territoires et de la ruralité. Trois événements, entre autres, dans cette implication en ont découlé. La signature en 2010 de la déclaration de Shawinigan par une vingtaine d'acteurs socio-économiques mobilisés autour du développement territorial adopté justement en 2012 et de la loi pour assurer l'occupation de la vitalité des territoires. La présentation en 2013 d'un projet de société durable pour les collectivités rurales. Vous êtes très, très actifs. Avez-vous été aussi impliqué dans la commission Pronovo? Bien, en fait, on a présent pour la commission Pronovo, pour la mise sur pied, pour réclamer cette commission-là, il faut reconnaître le travail de Solidarité rurale. Et à l'époque, c'est Jacques Proulx qui présidait l'organisme et j'en étais membre du conseil d'administration et du comité exécutif. Et c'est à force de le réclamer, de le demander, de justifier la tenue de cette commission-là que Solidarité rurale a obtenu qu'elle se tienne. Alors, c'est vraiment... et moi, j'y étais, on n'a jamais laissé aller la volonté qu'on sentait sur le terrain. On n'a jamais abandonné de la réclamer, de la demander. Et quand Solidarité rurale l'a demandé, c'était par un vote unanime de tous ses membres, des membres du conseil d'administration. Alors, c'était pas rien. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais si on revient au texte que vous signez dans le bulletin d'Attaque Québec, vous posez vous-même la question, serait-il possible de nourrir le Québec, la planète, sans l'agriculture industrielle actuelle? Mais j'aime quand même vous poser la question de base. Quelle agriculture veut-on au Québec? Je pense que les tournées successives que j'ai eu la chance de réaliser au Québec, et là je peux parler de 4 tournées dans les 12 dernières années, les gens ont envie de manger québécois. Ils ont envie de manger de proximité et ils ont envie de manger de qualité. Alors, c'est quand on entend ça sur le terrain, que ce soit à travers les tournées de solidarité rurale pour le renouvellement d'une politique de la ruralité, que ce soit à même les tournées que je faisais comme présidente de l'Ordre, ou plus récemment avec Faut qu'on se parle, les gens font beaucoup le lien. Je mange, je suis ce que je mange. Donc, je mange égale santé. Je mange, c'est un plaisir aussi. Alors, je mange égale bien-être. Les gens font très bien le lien. Manger, bien-être, santé. Et ils font aussi le lien sur les activités agricoles. Et on a l'impression que le secteur agricole n'est que l'affaire des agriculteurs. C'est faux. C'est l'affaire de toute la société. Et beaucoup des membres, des parties prenantes de la société cherchent à faire entendre leur voix en ce moment en ce qui concerne la question agricole. Et quelle sorte d'agriculture on veut? Les gens veulent une agriculture saine, nutritive, ils veulent une agriculture de proximité, et ça, au-delà de toutes les autres demandes, ils veulent ce que certains dans la tournée ont appelé la certification du blanc des yeux. C'est pas rien quand on le dit comme ça. Je veux savoir qui produit mes aliments et je veux savoir comment il agit, non seulement comme producteur, mais comme personne. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Les gens recherchent l'authenticité, ils recherchent l'identification de leurs produits à une façon de vivre et à une façon de faire. Et c'est très fort, malgré le fait qu'on va dans les épiceries et qu'on voit que les gens achètent un prix. Et c'est pour ça que je terminais l'article en disant « Les changements vont venir de notre part, nous les consommateurs, si on est cohérent avec les demandes qu'on manifeste et les gestes qu'on pose. » Mais qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette dichotomie là? C'est un beau discours, oui, on le sait, surtout que quand les fêtes des semences de ce monde, comme la semaine dernière, où on voit des gens acheter leurs propres semences, échanger des semences, participer à des conférences, ils font la promotion là, de toutes sortes de bonnes façons de faire de l'agriculture urbaine, sur le balcon même, faire notre propre compost sur un balcon, etc. On sent qu'il y a un mouvement souterrain qui tend vers une sorte d'agriculture locavore, de proximité, comme vous le dites, mais qu'est-ce qui vous frappe le plus là, dans cette problématique là, qui fait que on continue à avoir des provigos qui nous vendent des légumes industriels provenant de l'Ontario, d'avoir des avocats qui viennent du Mexique, qui rasent des montagnes au complet au Mexique pour nous amener des avocats. Quelle est la plus grande problématique qui vous frappe dans tout ça? Je vais peut-être un peu recadrer. Quand on parle de la production agricole de l'Ontario ou du Québec, c'est quand même des réseaux agricoles sont proches dans les façons de faire, dans les proximités. Les aides agricoles en Ontario ne sont pas les mêmes qu'au Québec, mais les législations, par exemple, qui touchent les pesticides sont les mêmes parce que c'est le Canada qui les adopte. Là où je fais la différence, c'est vraiment ce qui vient des autres pays, les États-Unis, le Mexique et compagnie. Il y a des réglementations qui ne sont pas celles que nous avons adoptées et auxquelles sont soumis les producteurs agricoles. Il y a des réglementations beaucoup plus... est-ce que je dirais souple ou laxiste, mais en fait, il y a des réglementations très différentes qui touchent les producteurs agricoles. Il y a des pesticides qu'on n'a pas le droit d'utiliser ici au Canada, que les producteurs mexicains peuvent utiliser et qu'ils utilisent d'ailleurs. Il y a, et dans ce sens-là, je ferais la comparaison tomate-tomate ou poivron-poivron, pas les piments, parce que c'est des cultures qu'on peut très bien pratiquer chez nous, dans nos infrastructures céréales, par exemple. Les avocats, c'est différent. Les ananas ou les bananes, on peut pas vraiment les cultiver au Québec ou même ailleurs au Canada. Mais quand on compare ce qu'on peut produire ici, ce qui est possible de produire sur nos territoires, ce qu'on pourrait faire de mieux, notamment par des cultures en serre plus performantes, on a le potentiel, on a la capacité agricole de faire mieux et de faire beaucoup plus localement. Par ailleurs, et on le voit avec les ententes avec l'Union européenne, et on le voit avec la réflexion actuelle du gouvernement du Canada qui mise sur le secteur agricole pour créer de la, faire de la croissance économique et qui mise beaucoup sur l'exportation, on voit qu'on dirige nos produits vers d'autres marchés que nos marchés intérieurs. Et c'est ça que les consommateurs interpellent. On va investir, on va soutenir financièrement des activités agricoles et le meilleur n'est pas pour nous. Le meilleur s'en va ailleurs. Alors que nous, on continue d'avoir un prix intéressant, peut-être, un prix faible, mais pour des produits qui viennent de l'extérieur du pays, qui ont des normes de salubrité qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, malgré qu'on dit qu'on fait de l'inspection, il y en a très peu qui se fait. Et c'est ce que les consommateurs nous ont bien traduit. C'est le secteur, un pays existe s'il nourrit son monde. Donc, et je le dis d'emblée dans le texte, je suis tout à fait en faveur d'un soutien de l'État aux activités agricoles. Mais il faut diriger ce soutien de l'État-là vers les productions qui vont couvrir notre marché intérieur, qui vont répondre aux besoins de nos consommateurs. Il faut en même temps éduquer les consommateurs parce que ce n'est pas qu'un prix qu'on achète, c'est de la vitalité économique dans nos milieux, dans nos communautés rurales comme dans nos régions. Ce sont des choix environnementaux et de santé qu'on fait quand on comme consommateur, on adresse des choix et qu'on s'attend à ce que les agriculteurs y répondent. C'est une activité socio-économique. Ce n'est pas qu'une activité économique qu'on traduit en PIB ou en nombre d'emplois. C'est une activité sociale. Ça traduit notre culture, ça traduit notre vitalité, ça traduit nos régions, nos territoires, ça traduit nos patrimoines, l'agriculture qu'on pratique. Alors, est-ce qu'on peut revenir à nous-mêmes? Oui, vous le dites bien, d'ailleurs, dans votre texte qu'on trouve dans le bulletin et accessible par Internet en allant sur le site d'Attaque Québec, que il y a le territoire qui est important. Il faut penser autrement. Vous semblez mentionner qu'il y a une trop grande concentration des activités dans trois régions. La Montérégie, hein, la Saint-Hyacinthe et compagnie, Chaudière-Appalaches avec leur porcherie ici au sud de Québec, et le centre du Québec, et surtout dans deux productions, donc la production porcine et la production de maïs. C'est aussi une façon d'occuper le territoire. L'agriculture, c'est totalement une façon d'occuper le territoire. Je le répète, quand on est arrivé, la première activité qu'on a mis en place quand les colons sont arrivés au Québec, au Canada, ça a été de pratiquer des activités agricoles. On doit se nourrir. Et une société qui ne nourrit pas son monde n'existe plus comme société. Si, demain matin, s'il n'y avait plus aucune production agricole au Québec, les tablettes de nos épiceries seraient pleines quand même. Mais à quel prix? Et pas seulement un prix monétaire pour le consommateur, c'est aussi un prix social sur les choix qu'on peut faire. Est-ce qu'on aurait à ce moment-là le choix de dire non, les hydrocarbures, vous les exploitez pas, les gaz de schiste, vous y touchez pas, non, le pétrole de l'île d'Anticosti, on ne l'exploite pas, non, l'uranium de cette île, on n'y touche pas, on n'aurait plus le choix. On ne pourrait plus dire l'eau qui vient du Nord, vous voulez la détourner pour l'amener dans le sud des États-Unis. On n'aurait plus le choix de dire non, c'est un projet sur lequel on n'est pas d'accord. Parce que on nous dirait, parfait, vous ne mangerez plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut imposer un blocus à des pays qui sont un peu qui n'agissent pas de la bonne façon? C'est un blocus alimentaire. On coupe les marchés et on cesse l'approvisionnement alimentaire de ces pays-là. Le Canada le fait en tout premier lieu face à des pays quand on veut effectuer un boycott. Alors, c'est là où on voit toute l'importance du secteur agricole pour une société. Et malheureusement, la majorité des consommateurs ont perdu de vue cette importance-là. Les sociétés existent parce que l'agriculture a rendu possible qu'on se construise en société. Maintenant, il faut être aussi cohérent. Quand on demande à nos agriculteurs ici d'agir de façon à protéger l'environnement, quand on demande à nos agriculteurs ici de produire en respectant des modes de production qui vont faire qu'on a des aliments qui nous rendent en santé, pas des aliments qui nous rendent malades, il faut être cohérent. On a des exigences. Ça devrait être le premier choix qu'on fait dans nos marchés, dans nos épiceries, d'acheter cette production-là, d'acquérir cette production-là. On commence à redécouvrir, les gens commencent à remettre en, refaire le lien, redécouvrir que c'est important notre agriculture locale, mais il faut que ce soit un mouvement vraiment fort. Et pour les, l'agriculture qu'on pratique en ce moment, le fait de laisser toujours les mêmes joueurs prendre les mêmes décisions, on s'en va toujours dans la même direction, dans un modèle de production qui fait que les fermes sont de plus en plus grosses, de plus en plus concentrées dans des zones, dans les productions et dans les mains de quelques-uns. Et on perd un peu de la souveraineté alimentaire dont on voudrait beaucoup avoir et dont on parle beaucoup dans les dernières années. C'est ça aussi, le modèle agricole sur lequel on doit se pencher et pour lequel les consommateurs devraient être interpellés. Oui, puis on perd beaucoup d'agriculteurs aussi et voilà. Pour cause de suicide dans les porcheries. C'est un phénomène social. Mais je vais ajouter quelque chose là-dessus que j'ai entendu dans la tournée, il faut qu'on se parle. Quelqu'un, il faut dire que en ma qualité d'agronome, à toutes les fois qu'on a mentionné qu'on voulait parler de l'agriculture, on m'a délégué à aux assemblées de cuisine qui le mentionnaient. Et dans une assemblée de cuisine, il y a un producteur qui a dit, vous savez, Mme Bolduc, je suis en production, ça fait 14 ans, puis j'ai vu les crises agricoles, les dernières années, il y en a eu pas mal. Moi, je suis un petit agriculteur, j'ai plusieurs petites productions, puis je vais rester petit. Parce que quand on est petit, qu'on a un problème, le problème reste gérable et vivable. Quand on est gros puis qu'il y a un problème en agriculture, c'est un sacré de gros problèmes. Puis c'est là qu'on perd pied, c'est là qu'on perd le contrôle. Moi, je veux continuer à prendre des décisions sur mon entreprise, je veux pas que ce soit le banquier qui me les impose, les décisions. Et ça m'a tellement frappée. Je suis encore là parce que je suis petit. Je vais rester petit parce que quand on a des problèmes, ce sont les petits problèmes. Chapeau bas à cette réflexion-là parce qu'effectivement, la détresse que connaissent les agriculteurs, et vous l'avez très bien souligné, c'est vrai aussi, malgré que ce soit des contextes très différents, c'est vrai aussi dans l'industrie laitière. Les agriculteurs ont des problèmes et ils ont des problèmes, ils sont isolés dans les problèmes qu'ils vivent. Ils ont l'impression que personne ne les comprend. Ils ont l'impression que personne ne peut les comprendre parce que personne ne connaît la situation dans laquelle ils sont installés et la roue infernale dans laquelle ils sont précipités. C'est vrai et c'est pour ça qu'il faut repenser nos modèles. C'est pour cette raison-là qu'on a tout intérêt à saluer la diversité de modèles dans notre secteur agricole. Oui, d'ailleurs, merci Claire Bolduc. Et nous, vous savez, on a comme chroniqueur souvent Jacques B. Gélinas qui parle beaucoup du néo-libre-échange puis de ces ententes de libre-échange dont vous avez fait mention en début de cet entretien. Et Jacques Gélinas, dans le dernier l'autre journal de février 2017, le numéro 356 en page 5, sur le titre un modèle qui s'est bâti au fil des ans sur quatre piliers, l'insoutenable lourdeur du modèle agricole québécois. Et ces quatre piliers, il mentionne, c'est la mise en marché collective, la gestion de l'offre, l'assurance contre la... L'assurance récolte. Volatilité des prix et les caprices de la météo, ouais. Le contrôle monopolistique de l'UPA. Et il mentionne que ce modèle est miné, quand on dit ce modèle de gestion de l'offre, là, est miné de l'intérieur et attaqué de l'extérieur, ne répond plus à ses nobles objectifs. Et il nous explique comment examiner d'abord les problèmes internes qui minent le modèle québécois agricole. Quels sont ces problèmes avec ce modèle? On ne veut pas perdre la gestion de l'offre, du lait, des œufs puis du poulet, non? C'est moi, je suis agronome depuis 1980. Les piliers dont vous parlez, ils ont été instaurés au tout début des années 70. Ils étaient effectifs en 72. Et à ce moment-là, dans le contexte de l'époque, dans la situation que vivait le Québec et pour la gestion de l'offre, c'est canadien, dans les circonstances de production agricole qu'on connaissait, c'était les bons moyens. C'était les moyens appropriés et ça a donné des ailes au secteur agricole, il faut le souligner. On est 50 ans plus tard et on ne peut pas questionner ces modèles-là. Le problème, il n'est pas nécessairement juste dans le modèle, il est dans le silence qui entoure le modèle, dans le fait qu'on ne peut pas questionner, que comme producteur agricole, les gens ne peuvent pas remettre en question, ne peuvent pas proposer des alternatives, ne serait-ce que sur le syndicalisme agricole. Au moment où on a créé l'accréditation unique et que les producteurs agricoles se sont réunis autour de l'UCC, qui est devenue l'Union des producteurs agricoles, l'Union catholique des cultivateurs, qui est devenue l'Union des producteurs agricoles, OK, c'était ce que ça prenait pour les agriculteurs. Mais en faisant une loi comme ça, on ne s'est pas donné la marge nécessaire. C'est une loi qui vient du gouvernement. Donc, mais de quelle manière on s'assure que c'est toujours le véhicule qui sert bien le milieu agricole, les producteurs eux-mêmes? Actuellement, et depuis 10 ans, on voit émerger des syndicats alternatifs. Ça a été l'Union paysanne d'abord, c'est le Conseil des entrepreneurs agricoles, c'est les entrepreneurs qui font dans le sirop d'érable et qui contestent toute la question, tous les quotas dans le sirop d'érable, c'est les producteurs horticoles. Est-ce qu'on pourrait comprendre que c'est le moment de poser des questions? Il faut poser des questions. Et les questions posées, c'est pas nécessairement ça. Est-ce que ça prend 1 ou 15 syndicats? La question posée, c'est qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça doit faire un syndicat agricole? Quand le syndicat agricole devient hégémonique comme il l'est devenu, et que personne ne peut penser, je regarde juste, moi, l'intervention qu'ils ont eue quand le ministre de l'Agriculture a confié à M. Pronovo de faire une analyse de la situation de la relève en agriculture, et que l'UPA a refusé d'y participer en disant « Nous, on rencontrera le ministre, mais on a déjà toutes les réponses. » Quand c'est impossible de fonctionner hors de ce syndicat-là, de ce monopole-là, que c'est hégémonique à ce point, qu'est-ce qu'on a échappé en cours de route? Quand le syndicat devient juge et partie, dans la majorité des situations, l'agriculteur est entre l'arbre et l'écorce tout le temps, et l'organisme qui devrait le défendre sert aussi à le punir. On est dans une situation il faut avoir le courage de poser des questions. On ne le fait pas en ce moment. Nous, on a déjà eu la chance de poser des questions à Dominique Lamontagne, qui a écrit le livre La ferme impossible, et qui, effectivement, en lisant son livre, sa belle petite plaquette d'une centaine de pages, on voit comment contourner les règles de l'UPA, comment avoir une ferme où on a des poules, mais moins de 100, parce que si on en a 100, on est obligé d'être membre de l'UPA, combien avoir de cochons, que faire et avec nos légumes. En Ontario, je pense qu'ils ont 500 poules. Tu sais, c'est vraiment... Mais quel est le meilleur modèle? En fait, le modèle, c'est un modèle où on est partie prenante. L'agriculture, moi, comme vous, on mange tous les jours. On a besoin de manger tous les jours pour rester vivant. Oui, d'ailleurs, Hippocrate disait que le premier médicament, c'est votre alimentation. C'est ça. Et c'est quand on est là-dedans, la discussion, elle doit être ouverte. Actuellement, la discussion se fait derrière des portes closes entre, d'une part, les représentants des agriculteurs par le biais de l'UPA et pas un autre, personne d'autre, et le gouvernement. Alors que c'est une question sociétale, ça devrait se discuter ouvertement pour l'ensemble de la société. Mais on le fait avec la commission Pronovo. On le fait avec la commission Pronovo et malheureusement, tous les intervenants ont salué le rapport Pronovo sauf un, et c'est l'UPA. Et qu'est-ce qu'on a fait du rapport? On l'a mis sur une tablette. Mais dans le rapport Pronovo, il y avait des perles de recommandations, des choses... Comme quoi? Réfléchies, des réflexions. Ben d'abord... Un beau grain de sable. Au lieu d'une perle, on appelle ça les grains de sable, c'est à l'émission. Quel est le meilleur grain de sable de ce rapport Pronovo que l'UPA a réussi à empêcher? une des meilleures recommandations de Pronovo, c'était de régionaliser, ça se disait pas comme ça, là, c'est la traduction qu'on en fait, oui. Mais c'était de tenir compte des disparités régionales dans les aides à l'agriculture. Ce que moi, dans le texte que j'ai publié, est indiqué comme aborder l'agriculture selon le territoire où ça se pratique. Une des belles recommandations de Pronovo, c'était celle-là. tous les secteurs de production agricole au Québec, tous les territoires du Québec n'ont pas des capacités de production similaires. Mais on a intérêt, comme société, à ce qu'il y ait de l'agriculture et de l'agriculture vivante partout. Donc, on doit appuyer et accorder des aides agricoles distinctes selon les lieux, selon les lieux où on produit, selon les entraves à la production, selon les enjeux ou selon les difficultés à la production qu'on rencontre. Et voilà une façon d'aborder l'agriculture sous l'angle territorial. Je vais plus loin, moi. Je dis, les contraintes biophysiques sont une chose, mais les contraintes sociétales aussi, l'ensemble de la société, la multifonctionnalité du territoire, comment on fait en sorte que l'agriculture soit un complément et multifonctionnel avec toutes les autres activités du territoire. Quand, par exemple, on a des territoires essentiellement forestiers ou quand on a des territoires qui sont surtout axés sur la pêche ou l'insularité, comme les îles de la Madeleine ou la Gaspésie. Et c'est vraiment réfléchir le territoire dans son ensemble et avoir une approche pour l'agriculture possible, potentielle et performante selon le territoire qu'on rencontre, mais avoir aussi un regard d'ensemble. Et ça, c'est le rôle de l'État, d'avoir des objectifs d'ensemble, d'avoir un regard d'ensemble. Mais on revient au niveau des différents territoires pour agir selon les forces, les faiblesses, les contraintes de chacun de ces territoires-là. Et ça, c'était une des recommandations de Pronovo qui pouvait propulser l'agriculture dans une toute autre dynamique. Merci beaucoup, Chevalière Claire Bolduc. Je n'ai pas mentionné dans l'introduction, je vais garder ça pour la fin. Vous êtes récipiendaire de l'Ordre national du Québec à titre de chevalière et productrice de vin. Parlez-nous de votre vin en terminant. c'est une entreprise. Alors, l'entreprise que mon mari et moi, je dis toujours, j'exploite un vignoble et mon mari. L'entreprise qu'on a est une des entreprises qui compte dans le 42% des entreprises qui génèrent 50 000 $ et moins de revenus parce qu'on a voulu que ce soit une petite entreprise et qu'on garde le contrôle sur ce qu'on fait. On produit depuis 1995 et on a commencé avec notre proximité avec l'Ontario, le fait qu'on est allé chercher du matériel de la station de recherche de Niagara planter nos premières vignes. Donc, vous avez du maraîchal Foch? On a du maraîchal Foch, mais on a des cépages qui n'ont même pas de nom. C'est le matériel de recherche de la chercheure avec qui on travaillait, Dr. Hélène Fisher, et elle nous a donné ces cépages-là. On ne peut pas les reproduire pour vente. On peut les reproduire sur notre terrain, mais elle nous a donné le matériel issu de ses travaux de recherche pour qu'on puisse bâtir le vignoble. Et avec beaucoup de succès, on a 9 cépages qui sont assez performants avec lesquels on travaille. Maréchal Foch, bien entendu, Céval, bien entendu, ce sont des classiques pour les vignobles du Québec. Bon. Mais on a des cépages à numéro. V71, okay. C'est les travaux de la recherche. C'est comme Vandal Cliche aussi, on a des numéros. Ben, merci beaucoup, ça ne doit pas être facile de produire du vin dans ce grand nord. et savez-vous, je vais vous... on est comme dans la région de Québec. On est comme... est à Ville-Marie, c'est très semblable à ce qu'on retrouve comme climat à l'île d'Orléans. Les gens ne connaissent pas le Témiscamingue. Imagine que c'est juste des mines. Témiscamingue alors que c'est très loin. Alors que le Témiscamingue, c'est le secret le mieux gardé du Québec. C'est une zone très chaude. C'est très au sud de Rouyn-Noranda. C'est une région dont le climat est similaire à celui de la région de Québec. Et c'est une région qui a un potentiel agricole incroyable, très méconnu. Venant d'une ancienne présidente de l'Ordre des agronomes du Québec, ça doit être crédible. Merci beaucoup, Claire Bolduc, d'avoir été à l'émission Grain de sable. Je vous en prie. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Alors, c'était l'émission Grain de sable. On vous laisse avec les geeks contre-attaque. N'oubliez pas, là, c'est le temps de faire des dons pré-radioton. Achetez votre carte de membre si vous voulez continuer à avoir de bonnes interviews comme ça pour avoir d'autres grains de sable. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Donald, à la succursale Saint-Roch, vous propose Manuel à l'usage des femmes de ménage. Enfin, la traduction en français de ce recueil de nouvelles posthumes. Un seul livre a suffi à propulser Lucia Berlin parmi les meilleurs nouvellistes, à l'égal de Juan Rulfo, Raymond Carver et Alice Monroe. Et Anne, de la succursale du Vieux-Québec, vous suggère Mog oublie tout de Judith Kerr.